prophète m'a enseigné à toujours avoir sur mon visage un sourire. Cela peut rendre une personne heureuse s'il passe des moments difficiles. Mon prophète m'a enseigné l'égalité, que la couleur n'a pas d'importance parce que nous provenons tous de la même personne. Et si tu es meilleur que moi, c'est que alors tes œuvres sont immenses. Mon prophète m'a enseigné la sincérité, de sorte que lorsque nous donnons de la charité, de ne pas demander de récompense et espérer que Allah seulement soit satisfait. Mon prophète m'a enseigné que la vie d'une âme innocente est égale à la vie de l'humanité. Alors quand vous enlevez une vie, sachez que vous enlevez toute une santé. Mon prophète m'a enseigné à mettre de côté mes nerfs, parce que l'homme fort n'est pas celui qui est féroce, mais celui qui a appris à contrôler sa colère. Mon prophète m'a enseigné à être gentil envers ma mère, faire en sorte qu'elle soit toujours de bonne humeur, parce qu'elle est la femme qui s'est occupée de moi quand j'étais malade, que je souffrais de la fièvre. Mon prophète m'a enseigné le respect pour les femmes de manière, quand je leur parle, je baisse mon regard comme si je parlais à une reine. Mon prophète m'a enseigné à ne jamais voler, parce que quand je vole pour toujours en vérité. Mon prophète m'a enseigné à toujours faire mes affaires en justice, pour qu'au jugement dernier, je sois élevé parmi les prophètes, tandis que les autres entreprises, il suffit qu'ils tournent en poussière. Mon prophète m'a enseigné à toujours remercier pour me rapprocher d'Allah, et à toujours apprécier le manger, car certaines personnes ne mangent pas le soir. Mon prophète m'a enseigné à donner même une demi-date, car une fois que je serai mort, je souhaiterais en donner, mais sera déjà trop tard. Mon prophète m'a enseigné que j'ai une belle religion et je serai un criminel si je ne cherche pas à propager ces informations.